Le philosophe Favorinus, né à Arles, fut comme Taurus, déjà cité, un maître et un ami d'Olugel, l'auteur des présentes nuits attiques. On vint annoncer un jour au philosophe Favorinus, en notre présence, que la femme de l'un de ses auditeurs, partisan de ses doctrines, venait d'accoucher et avait donné un fils à son mari. « Allons, dit-il, voir l'accoucher et féliciter le père. » C'était un homme de race sénatoriale, de famille très noble. Nous suivîmes tous Favorinus et nous l'accompagnâmes jusqu'à la maison où nous fûmes introduits avec lui. Il rencontra le père dans le vestibule, l'embrassa, le félicita et s'assit. Il demanda si l'accouchement avait été long et laborieux. On lui dit que la jeune mère, fatiguée par les souffrances et l'éveil, prenait quelque repos. Alors, le philosophe donna libre cours à ses idées. « Je ne doute pas, dit-il, qu'il ne soit dans l'intention de nourrir son fils de son propre lait. » La mère de la jeune femme répondit qu'il fallait user de ménagement et donner à l'enfant des nourrices pour ne pas ajouter aux douleurs que sa fille avait éprouvées pendant sa couche les fatigues et les peines de l'allaitement. « Eh, de grâce !» répliqua le philosophe. « Femme, permettez qu'elle soit tout à fait la mère de son fils. N'est-ce pas contre la nature ? N'est-ce pas remplir imparfaitement et à demi le rôle de mère que d'éloigner aussitôt l'enfant que l'on vient de mettre au monde ? Quoi donc ? Après avoir nourri dans son sein, de son propre sang, un je ne sais quoi, un être qu'elle ne voyait pas, elle lui refuserait son lait lorsqu'elle le voit déjà vivant, déjà homme, déjà réclamant les secours de sa mère ? Croyez-vous donc que la nature ait donné aux femmes ces globes gracieux pour orner leur sein et non pour nourrir leurs enfants ? En effet, la plupart de nos merveilleuses, et vous êtes loin de leur ressembler, s'efforcent de dessécher, de tarir ces sources si saintes du corps, ces nourrices du genre humain, et cela, au risque de corrompre le lait, en le détournant, car elles craignent qu'il ne détériore ce charme de leur beauté. C'est agir avec cette même démence que ces femmes qui détruisent, par une fraude criminelle, le fruit qu'elles portent dans leur sein, de peur que leur ventre ne se ride et ne se fatigue par le poids de la gestation. Les femmes qui délaissent leurs enfants, qui les éloignent de leur sein et les livrent à des nourrices étrangères, brisent ou du moins affaiblissent et relâchent ce lien sympathique d'esprit et d'amour par lequel la nature unit les enfants aux parents. À peine l'enfant confié à des soins étrangers n'est-il plus sous les yeux de sa mère, l'énergie brûlante du sentiment maternel s'affaiblit peu à peu, s'éteint insensiblement. Ainsi s'altèrent, ainsi s'évanouissent les semences de piété que la nature avait jetées dans le cœur de l'enfant. Et s'il paraît encore aimer son père et sa mère, ce n'est pas la nature qui parle. Il n'obéit qu'à l'esprit de société, qu'à l'opinion.